Pack de son Dance Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Hey, it's your Paul alongside. The man them called Jason. If you the girl them, telling them again what we tell them. Pass me a drink to the left, yeah. Said her name was Delilah. Woo. And I'm like, you should come my way. Ce sont Jason à l'instant en direct hein, jusqu'à midi. Ça se passe comme ça, c'est le morning de l'été. On est là ensemble, on bouge pas. RadioMixer.fr pour nous écouter. Et la suite, un son que j'adore hein. Ken Samet, ça va aller. On l'a découvert ici même sur Radio Mixer. Bon réveil et bonne matinée avec nous. On est en direct jusqu'à midi. Faut me laisser. J'ai des rêves et des projets. Et je dois avancer. Et 10h passé de 11 minutes, on rejoint David dans les studios pour faire un petit tour du côté de l'horoscope. Bah oui, c'est morning, ça se passe comme ça. Les béliers, rien de précis à signaler, mais pas de problème particulier, profitez de l'air du temps tout simplement. Les taureaux, choisissez l'échange intelligent à la confrontation, soignez le rationnel et la vie va vous sourire. Les gémeaux, demain le soleil entre chez vous, l'heure est à la remise en forme. Allez, gauche, haussez vos baskets, ça va transpirer. Les cancers, ciel bleu pour vous, vous serez inspiré, bien luné, bien décidé à nous charmer. Ne vous faites pas prier, Cupidon est de votre côté, les lions. Ça sent la mauvaise humeur, mais ne l'alimentez pas. Si la lune vous chauffe la crinière, allez donc hurler au fond des bois, ça vous calmera. Les vierges, c'est une journée intéressante, vos antennes sont de sortie, multipliez les contacts, les balances. Ça ne va pas relever du délire, mais ça ira bien, prenez le temps de ralentir le rythme pour mieux savourer les douceurs de la vie. Les scorpions, la lune débarque chez vous aujourd'hui. Frissonnez, mais oubliez les bras de fer et tout sera plus facile. Les sagittaires, rien ne sert de courir, vous allez vous épuiser, partez vous aérer. Les capricornes, une journée agréable également, vous saurez vous montrer généreux et attentionné. Les verseaux, faites-vous tout petit, la lune vous a dans le collimateur aujourd'hui, inutile de taper du pied, vous allez finir tout rouge. Et puis les poissons, vous irez bien et encore mieux si vous n'entretenez plus de pensées négatives, elles vous ralentissent, alors regardez toujours le verre à moitié plein. Une excellente journée à toutes et à tous, bien sûr, profitez, ça va de soi et à bientôt. L'astro-top. Tout le monde me regarde, à travers mon innocence, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi, mais mon papa lui pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les ailes. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Je pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Marianne. Je t'invite à manger un bon mafet chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'ambiancer. ce Diallo, éternellement insatisfait. À suivre. Le tout nouveau Black M à l'instant, Je suis chez moi. Et ça arrive juste après avec le son de Daero. Bailar, ça arrive dans moins de 2 minutes. C'est l'histoire de Luc qui, arrivé à la piscine, s'aperçoit qu'il n'a pas son maillot de bain et ses lunettes de natation. De Clara, qui n'a pas eu le temps d'acheter son bonnet de bain. Ou encore de Nathalie, qui a oublié les brassards et les couches bébé nageurs de son fils. Mais tout cela, c'était avant l'arrivée des distributeurs automatiques de natation Swind. Top Sec Equipement propose un concept exclusif. Swind, le distributeur automatique d'articles de natation de qualité à prix très attractif. Disponible dans toutes les piscines de France. Youhou ! Info sur la page Facebook Top Sec Équipement. Top raison numéro 2 d'être Sam ce soir. De ta soirée, tu te souviendras. Allô, c'est Chloé. Oula, ça va Chloé ? Je ramasse un peu d'hier là. Merci de nous avoir amenés d'ailleurs. Et dis-moi, le tatouage de salamandre sur mon front là, il part au bout de combien de temps ? Eh ben, je crois qu'elle est pas temporaire ta salamandre. Quoi ? Tu voulais une salamandre éternelle. Mais comment je fais moi pour mon entretien demain ? Ah bah je sais pas, tu te fais une frange. Et la prochaine fois tu seras Sam. Allez, bonne chance pour demain. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Radio Mix Flore. Radio Mix Flore. Quand il fait chaud, on pense qu'il est trop tôt. Et quand il fait froid, on réalise qu'il est déjà trop tard. Ouais. Alors pour mieux vous chauffer l'hiver prochain, prévoyez dès maintenant votre conduit et sortie de toit cheminée Pujula. Confort et économie. Le bonheur appartient à ceux qui s'équipent tôt. Votre projet de chauffage sur Pujula.fr. Radio Mix Flore, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡A la cosa! ¡Te vamos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Si yo soy vegana, la van a envidiar. Baila como diosa, así no jodas. pam pam pam pam pam. Single ailleurs sur Radio Mixfloor. son dance floor. Un max de son dance floor. Allez, on est en direct évidemment jusqu'à midi. Ça se passe comme ça, c'est le morning de l'été. Et ouais, on est là ensemble, on bouge pas. Si vous voulez réagir sur Facebook, sur Twitter, hashtag morning Radio Mix Floor. On est là ensemble avec Niska pour la suite. Direct évidemment jusqu'à midi, ça se passe comme ça avec du bon son dancefloor pour bien vous réveiller. Le son de Niska, Mustapha Jefferson. On est en direct hein, jusqu'à midi, ça se passe comme ça. Si vous voulez réagir, hashtag morning Grand Mix Floor. Et rejoins tout de suite David pour les infos insolites. Bah ouais, un petit peu d'infos insolites hein. En direct évidemment jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Bienvenue tout le monde, on est là ensemble avec le nouveau Souf qui débarque dans moins de 2 minutes. Étrange, inhabituel, drôle, c'est l'insolite news. Un concours plutôt original des artistes coréens organise depuis 2014 un concours durant lequel les participants sont invités à ne strictement rien faire et ce durant une heure et demie. Ce concours intitulé en anglais Spaced Out est un véritable hymne à l'inactivité. Organisé tous les ans dans un parc de la capitale sud-coréenne, il consacre la personne qui sera la plus constante en termes d'inactivité pendant 1h30. Mais attention, il est interdit de dormir ni même de regarder sa montre pendant ce temps. Derrière ce concours absurde au premier abord se cache une véritable volonté de sensibiliser les personnes à l'utilisation excessive des appareils électroniques au quotidien. Cette heure et demie passée à ne pas penser est une bonne occasion de voir à quel point l'on peut être accro au téléphone. Pour établir un vainqueur, le rythme cardiaque des participants est analysé tous les quarts d'heure, soit 6 fois. La personne ayant le rythme cardiaque le plus régulier est alors considérée comme le gagnant, plutôt original. L'insolite news. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Elle me dit qu'elle est fatiguée. Eh, eh. Elle me dit qu'elle veut tout lâcher. Eh, eh. Même pas eu le temps de lui expliquer. Eh, eh. C'est plus la peine de continuer. Eh, eh. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Qui court, c'est le temps qui court, mais c'est le temps qui court, c'est le temps qui court, mais à coup pas. Mais à coup pas.

desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Ce sont Alvaro Soler à l'instant, Sofia en direct évidemment jusqu'à midi. C'est le morning de l'été, ça se passe comme ça évidemment. Si vous voulez réagir avec vos messages, hashtag morning Radio Mix Floor, on est là ensemble. Comme Elodie là, qui nous dit là du côté de Perpignan en mode camping, en mode vacances. Et avec le son de Radio Mix Floor pour bien se réveiller, ça met de bonne humeur direct. Et bah merci en toi en tout cas, ça fait plaisir. On est là ensemble jusqu'à midi, hein, du lundi au vendredi, ça se passe comme ça. N'oublie pas ce soir le pet mix de l'été avec Didier Netek au platine 20h-22h, ça se passe comme ça également. Hier soir vous étiez très nombreux à l'écoute, avec tous vos messages. On est là ensemble jusqu'à midi. Le son de Cachemire pour la suite avec Will Card. Bonne matinée, bon réveil. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Un max de son dance floor. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your. Shining light, you're addicted to the ride.

mérité. Maintenant tu m'abandonnes, je l'ai mérité. Dans les rues je vagabonde, je l'ai mérité. Dans les rues je vagabonde, fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne. Et j'adore ce son. Maître Gims à l'instant, ma beauté. C'est la BO du film Camping, évidemment, avec Franck Dubosc. J'adore ce film en plus. Hein. On en direct jusqu'à midi. C'est le morning de l'été. Ça se passe comme ça. Ici, hashtag morning, Radio Mixfloor. A tout de suite. Radio Mixfloor. Un max de son dancefloor. Chaque année, certains la redoutent. D'autres l'attendent avec impatience. Souvenez-vous des bienfaits de la purge. American Nightmare 3, élection. Aujourd'hui, une femme ose se dresser contre la violence aveugle. C'est une nuit qui stigmatise notre pays. American Nightmare 3, élection. Il est grand temps de s'occuper de cette sénatrice. Actuellement au cinéma. Top raison numéro 1 d'être Sam ce soir. La vie de tes amis, tu sauveras. Bonjour Théo, c'est Madame Millefot, la mère de Jean. Ah, bonjour madame. Je vous remercie d'avoir sauvé la vie de mon fils hier soir. Ben, c'est normal madame. Non, pas boire et ramener ses amis sains et saufs après une soirée, c'est très courageux. Ah, c'était mon job madame. Isabelle. Ok, Isabelle, moi hier c'était Sam. Sam? Pourquoi Sam? Eh ben, on pourrait peut-être prendre un café, je vous explique, et on apprend à se connaître. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Radio Mixfloor, un max de son dancefloor. C'est l'histoire de Luc qui, arrivé à la piscine, s'aperçoit qu'il n'a pas son maillot de bain et ses lunettes de natation. De Clara, qui n'a pas eu le temps d'acheter son bonnet de bain. Ou encore de Nathalie, qui a oublié les brassards et les couches bébé nageurs de son fils. Mais tout cela, c'était avant l'arrivée des distributeurs automatiques de natation Swind. Top Sec Équipement propose un concept exclusif, Swind, le distributeur automatique d'articles de natation de qualité à prix très attractif, disponible dans toutes les piscines de France. Youhou ! Info sur la page Facebook Top Sec Équipement. Radio Mixfloor, un max de son dancefloor. Un max de son dancefloor. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur. Oh, son dance floor. Y fuerza mi sonrisa, el cielo me lo regaló. Me sigue noche y día, de la sombra me llega el sol. Y fuerza mi sonrisa, aquí te lo regalo yo. Comparte una sonrisa, vivo al mundo le das tu sabor. Y fuerza mi sonrisa, el cielo me lo regaló. Me sigue noche y día, de la sombra me llega el sol. Y fuerza mi sonrisa, aquí te lo regalo yo. Comparte una sonrisa, vivo al mundo le das tu sabor. Sonríe a la vida. Mis ojos son mi ventana, mi corazón abierto, mi voz que te llama, amigo mío, apúrate. Con los hermanos es más alegre. Se quebran los muros, mi cariño, acércate. Un secreto voy a contarte. Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló. Me sigue noche y día, de la sombra me llega el sol. Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regalo yo. Comparte una sonrisa, mi balbo no le das tu sabor. Sonríe a la vida. Et la radio qui vous fait découvrir les plus gros hit dance floor, c'est évidemment Radio Mix Floor. On est connecté ici jusqu'à midi, c'est le morning de l'été, ça se passe comme ça. Et puis évidemment, si vous l'avez raté, hein, l'horoscope, eh ben, ça arrivera dans quelques instants. On aura également la météo, puis on parlera de têtes nouvelles infos, évidemment, avec David ici en direct des studios jusqu'à midi. Et la suite, bah oui, je vous l'avais promis, hein, Soprano, la dernière bombe, ça s'appelle En Feu. On est là ensemble jusqu'à midi. Si vous voulez réagir vos messages en Facebook, Twitter, Radio Mix Floor. Et puis également, ajoutez-nous hein, sur Snapchat, vous tapez Radio Mix Floor tout minuscule. Tout collé, on se rejoint là-dessus en direct jusqu'à midi. Soprano, j'adore ce son. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuque. Sors de la piste, fais le grand écart de vandale. Je sens que je vais prier. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien un peu. Si tu me parles, rien un peu. Si tu me touches, rien un peu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu.

Le tout nouveau Galantis, No Money, il est juste énorme. Il arrive juste après la chronique de David. Bah ouais, en direct évidemment, jusqu'à midi. Ça se passe comme ça, c'est le morning de l'été. Allez, et on va parler de Twitter aujourd'hui. Tout le monde va désormais pouvoir demander un compte certifié. C'est possible avec l'élargissement de la procédure de vérification des comptes. La pastille de certification des comptes n'est désormais plus seulement destinée aux influenceurs et autres stars du réseau social. Il est donc maintenant possible de le demander en remplissant le formulaire en ligne mis en place pour l'occasion. Un changement intéressant dans la politique de Twitter qui estime que cela pourra permettre de mieux trier les personnes que l'on veut suivre. Nous voulons que les gens trouvent plus facilement les créateurs et influenceurs sur Twitter. Il est donc logique de laisser les gens demander la certification d'un compte. Nous espérons qu'avec cette ouverture, davantage de gens trouveront des comptes de haute qualité à suivre et que ces créateurs et influenceurs se connecteront avec un public plus large. Cette vérification requiert tout de même quelques prérequis, notamment un numéro de téléphone, une photo, une petite biographie, un site web et une adresse mail vérifiée. La demande d'une copie de carte d'identité n'est pas exclue. On s'éloigne certes de l'anonymat prôné par le réseau, mais cette démarche permettra peut-être d'éviter la multiplication des faux comptes. Et puis on va parler d'un disque dur. Si les disques durs de 10 teraoctets existent déjà pour les entreprises, ce n'était pas le cas pour le commerce général. Et c'est désormais chose faite grâce à Seagate. Vous téléchargez beaucoup de données, vous avez besoin d'une solution de stockage massif. Eh bien le prix des disques durs chute de plus en plus. En plus, la bonne nouvelle. Mais si vous préférez garder tout votre contenu sur un seul disque, c'est aussi possible. Seagate vient donc d'annoncer la disponibilité du Barracuda Pro 10 Teo qui, comme son nom l'indique, permet de stocker 10 000 gigas, un peu moins dans l'ailleurs, dans les faits. Un modèle NAS Lion Wolf 10 Tera va également être commercialisé. On ne connaît pas encore la date de sortie exacte en Europe, mais il sera en tous les cas vendu $535 aux États-Unis. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Jennifer Lopez à l'instant en direct hein, jusqu'à midi, c'est le morning de l'été, ça se passe comme ça. Évidemment, si vous voulez nous suivre également, je l'ai dit tout à l'heure, Snapchat, vous rajoutez Radio Mixlore tout minuscule, tout collé. Et puis vous allez pouvoir un peu vivre les coulisses, évidemment, ici en direct des studios de la radio. Allez, un peu de électro là, Son of Legend pour la suite. Et Komodo, n'oubliez pas ce soir le paid mix de l'été avec DJ Netek au platine. Rendez-vous 20h sur Radio Mixlore. La suite, on est là jusqu'à midi.

together always. True love forever will stay. No matter what they say, yeah, we'll live our life the same way. Let's stay together always. We'll love each other, I swear. No matter what they say, yeah, we'll live our life the same way.

été, tu t'es mis dedans. Ta petite a largué, elle t'a vu prendre un vent. Ses copines t'ont dit non, ne reviens pas dans 3 ans. Pourquoi tant de jalousie? Eh, pas la même catégorie. Eh, Ajax contre Paris. Give me all ta dino, pour le temps dans 2-3 ans. Déjà une galère pour ta life. Oh, faut que tu t'arrêtes ici, tu t'en ailles. N'en fais pas trop, faut pas forcer. N'en fais pas trop, faut pas forcer. N'en fais pas trop, faut pas forcer. N'en fais pas trop, faut pas forcer. Fais doucement, fais doucement, fais doucement, fais doucement, fais doucement, fais doucement. T'as peu goûté, peu ça, dépassé, t'es peu pour ton langage, c'est comment? La sutile, les femelles, les bagarres, la fonce des mes chaussures, fais doucement. Tes chicots, ta muscu, ton projet, c'est comment? Oh, t'es déjà une galère pour ta life. Oh, faut que tu t'arrêtes ici, tu t'en ailles. N'en fais pas trop, faut pas forcer. N'en fais pas trop, faut pas forcer. N'en fais pas trop, faut pas forcer. N'en fais pas trop, faut pas forcer. N'en fais pas trop, faut pas forcer. N'en fais pas trop, faut pas forcer. N'en fais pas trop, faut pas forcer. N'en fais pas trop, faut pas forcer. Allez, vos dédicaces hein, comme Mathias de Lille à l'écoute du morning qui met bien la forme. Merci à toi poto, hein. Nous on lâche rien. Je vous balance Kenji, mais avant ça, la dernière bombe de Selena Gomez. On est là ensemble jusqu'à midi. Si vous voulez lâcher vos messages en Facebook, Twitter, hashtag morning Radio Mix Floor. On est là ensemble. Bon réveil. Je m'appelle Alex. On est là jusqu'à midi, on lâche rien. The world can be a nasty place. You know it, I know it, yeah. We don't have to fall from grace. Put down the weapons you fight with, and kill them with kindness. Kill them with kindness. Kill them, kill them, kill them with kindness. Kill them with kindness. Kill them with kindness. Go ahead, go ahead, go ahead now. Go!

what up, what up. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. Yeah. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Kill them, tell them. Punch and jump while I shell them. Want me tell it, tell me, you have to tell them. Girl, you fat, I'm a want some of that. Just a choose and I'm in the round of the field spot. When she walk in, the whole place get quiet. Told the girl, look, trust me, I think shot. But I know the first time, it's a girl and she hot. Over that. Soon as we are them make four. Me see myself a career upon my tour. How much can me say I'm 100 and more. But it's never reached me before. Me no know what. I love the way she looks. Her pretty face and smile got a hold on me. And the way she moves in the dance when I'm turning on her body. Get away, she's mine. This girl I don't wanna share with nobody. It didn't take no time. I'm about to fall in love from one time. Just one, why? Only one, why? A little one, why? Two of the one, why? Just one, why? A little one, why? Two of the one. I'm in love from one, why? Just one, why? Only one, why? A little one, why? Two of the one, why? Just one, why? Only one, why? Two of the one. Alright then. Wine and broke out, broke out, girl. Wine and broke out, broke out, girl. Wine and broke out, broke out, girl. Girl, your body hotter when you twist it and turn it. Rock out, rock out.

Radio Mix Floor. Voilà, voilà. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Yeah. Radio Mix Floor. Murder, l'inspi provient de murder. Ça m'a tout l'air d'un heudop. Ramène mon verre de soda. Appelle-moi Docteur Ghetto. De speaker Maguero. Paris ça devient Soweto. Va falloir se lever tôt, veto, veto, veto. Sûrement pas les gens des beaux quartiers. Non. Merde, tu t'es mis dans la merde. T'aurais pas dû faire le nerveux. On va te monter en l'air. Arrête ton numéro. On s'improvise pas héros. J'kick même sur de l'électro. Appelle-moi le torero. J'en place une spéciale pour nos ennemis. Venez, venez nous voir sur scène. À tous ceux qui étaient présents au Zénith, on vous aime. Toujours entouré de mes associés. Braquer le blanc pour me saucer. 4-4 catapulté vers le sommet. Système solaire. FN d'or. J'suis dans la porte avec mes rouilles à Harry. Open the door. C'est nous on fait du bruit pendant que le FN d'or. J'suis dans la porte avec mes rouilles à Harry. Open the door. Bellis, Otiek, son manque de réalisme. Moi dans ma tête c'est l'Afrique. J'vois bien tout loin au Mali. Vas-y, arrive, fais kiffer ta nuit qui tissage. Mens lui, dis-lui qu'elle a le plus beau des visages. Vas-y, mets du son, mets du swag, mets du con. Ici c'est danse obligatoire, au minimum les petits. Bordel, comme dit le boss, y'a des problèmes. Autant qu'un parilo, ouais. Faut que je me tèche du haut de la scène. Ça c'est le son qui te reprend ta licence. Moi pas qui frappe, c'est le roi, ça rembarche. Dans les textes, dans les boîtes, dans les Porsches. Numéro 1, n'en doute pas. YTB aka le bateau qui coule pas. On se voit après l'apéro. Guapa te quiero. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. Et c'est une nouvelle tuerie. Les majeurs Shogakawa et Dalam, c'est John. Sweetie, mon téléphone sonne. Les majeurs m'appellent, on a en école. Je me mets au vol pour une soirée dans le sol. Oui, je sens que ça va être cool. People, ils nous ramènent ces mix comme d'habitude. Je ramène ma vibe et l'attitude. Cette soirée, ça m'a comme d'habitude. Allez, on j'aime au vibe, c'est fatigué. Ensemble on va mettre le fire. Même si tu n'as pas de maille, t'inquiète pas, nous on donne le meilleur.